Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Fuir les êtres qui ont le goût du malheur et, sur scène, mettre en pratique cette décision de bon sens, danser, chanter, privilégier la bonne humeur et la fantaisie, tout en sachant que la fantaisie en question ne passe pas aussi bien à la radio que sur scène. Une chanteuse, Marie Dubas, une diseuse également. Vous l'entendrez nous confier, grâce aux paroles de Jean-Baptiste Clément, que l'amour n'a pas de cheveux blancs, mais elle savait aussi merveilleusement bien faire la poule de basse-cour. Dans Magazine Bleu, Marie Dubas dressait son autoportrait. C'était le 11 avril 1950 sur Radio Côte d'Azur. En écoutant cette musique de mon légionnaire que je trouve ravissante, je la chante depuis tant d'années, et à chaque fois que je l'écoute, elle me produit toujours la même émotion. Je l'écoute avec beaucoup de plaisir, c'est toujours la première fois d'ailleurs que je la chante. Je ne la chante plus comme je la chantais autrefois d'ailleurs. Autrefois je la chantais en chanteuse, et aujourd'hui je la dis presque, parce que je la sens peut-être autrement avec les années qui ont passé. On a une manière différente de voir la vie, les choses, les sentiments. Je la dis peut-être plus en profondeur qu'en chanteuse. D'ailleurs, beaucoup de gens me disent « Marie Dubas, pourquoi est-ce qu'on vous entend si peu à la radio ?» Il y a certainement une raison. Étant fantaisiste, il paraît que je gagne à être vue. Alors je me dis évidemment, pourquoi perdrais-je quelque chose à me faire entendre sans être vue, puisque j'y gagne à être spectaculaire, enfin, visuelle si j'ose dire. Bien voilà la raison. En effet, j'ai commencé par être chanteuse. J'ai travaillé mon chant, j'étais chanteuse et j'aimais beaucoup le chant. Mais ce qui dominait ma nature, c'était tout de même la fantaisie, la bonne humeur, l'humour, la gaieté et, sans être immodeste, l'esprit que je recherchais, enfin. J'estimais que ma tâche était beaucoup plus difficile de faire rire. D'ailleurs, je ne suis pas la première qui l'ait dit, Molière l'a dit avant moi. Il était très difficile de faire rire les honnêtes gens. Et j'ai choisi la difficulté, j'aime assez la difficulté. J'estimais que ma voix, mon Dieu, était une voix comme il y en avait tant, beaucoup d'autres, avec une voix aussi jolie que la mienne. Mais je sentais que j'étais peut-être un petit peu plus favorisée dans ce qu'on appelle la fantaisie. Et ça répond d'ailleurs à un besoin de ma nature. J'ai l'impression d'avoir une sensibilité maladive. Et par dignité, par pudeur, j'ai senti qu'il ne fallait pas se laisser aller à brailler. Je ne veux pas donner des noms ici, mais enfin, comme j'entends tellement d'artistes qui, du commencement à la fin de leur tour de chant, pleurent et gênent et se lamentent. J'ai eu l'impression que je faisais œuvre utile en apportant à mes semblables une évasion de la gaieté. Le rire est tellement délassant, reposant, plus constructif à mon avis que des sensations de... Le goût du malheur, j'appelle ça. Ce n'est pas joli, ce n'est pas intéressant. Enfin, je fuis, moi en particulier, je fuis les êtres qui ont le goût du malheur. Ils me démolissent et par instinct de conservation, je les fuis. Et j'ai transposé donc à la scène ce besoin que j'ai dans la vie de bonne humeur, de gentillesse, de joie de vivre, enfin. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas donné au chant toute la valeur qu'il avait autrefois dans ma carrière. J'ai même peut-être perdu un peu, même, en dansant, en étant tellement dynamique, en bougeant, en remuant. C'est le contraire du chant, d'ailleurs. On ne doit pas bouger, le chant, c'est tout de même le souffle calme et tranquille. Et j'ai sacrifié ma voix au bénéfice du mouvement, de la danse, du dynamisme, de la gaieté, enfin, d'une espèce de jeunesse que je désire conserver en moi toujours le plus longtemps possible, enfin. Et j'ai remarqué que la fantaisie ne passait pas aussi bien au micro, la radio, que les chansons chantées, que les chansons de charme, que les chansons d'amour. Alors je me suis dit, ben mon Dieu, ceux qui veulent m'entendre, ils viendront me voir. Je ne crois pas que ce soit si bête d'ailleurs. Je m'envoie des fleurs parce que cette semaine au casino, il y a énormément de monde et je ne regrette pas trop, enfin, que la chanteuse se soit transformée en fantaisiste. Voilà, je tenais ici à dire exactement la raison pour laquelle je chantais beaucoup moins. Eh bien, me souvenant surtout également que j'étais une comédienne, j'avais fait toutes mes classes quand j'étais plus jeune, je me pensais donc, je me destinais au français, je voulais marcher sur les traces de la grande Rachel, de Sarah Bernhardt, vous vous rendez compte? Mais j'ai quand même un bagage qui me permet justement d'avoir continué dans mon tour de chant à donner des poèmes tels que La prière de la Charlotte, L'amour n'a pas de cheveux blancs, À mon fils de Rudyard Kipling et beaucoup d'autres. Et puis peut-être aussi, est-ce que j'ai moins de... pas de concurrence si vous voulez, mais il y en a peu qui peuvent dire des chansons de fantaisie et en même temps tout à coup donner une note sérieuse comme je la donne dans certains poèmes. Je vais dire aujourd'hui, justement, pour mon plaisir à moi, des poèmes sérieux et humoristiques que j'aime particulièrement. C'est pour moi aujourd'hui que je vais vous dire. Je vais commencer par le poème de Rudyard Kipling. Figurez-vous qu'un machiniste m'a demandé au casino, il m'a dit, madame, vous disiez autrefois un poème de Rudyard Kipling qui s'intitule À mon fils. Il m'a dit, vous ne pourriez pas me le dire. Non, je lui dis ça vraiment, je ne sais pas si c'est... Ça n'a peut-être pas une raison d'être ici, comme vous me l'avez entendu ailleurs. Mais je vais vous le dire à la radio ici. S'intitule À mon fils. Et... voilà. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï, sans haïr à ton tour, pour t'en lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter les sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux être simple en étant populaire, si tu peux rester peuple, en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous les hommes en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, si tu peux rencontrer triomphe après défaite, et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais des esclaves soumis. Et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Eh bien, dans une note tout à fait différente, alors maintenant, je vais vous dire une petite chose humoristique qui s'intitule « Garçon ». C'est un petit chagrin d'amour d'une petite Parisienne qui retourne dans un petit restaurant où ils avaient l'habitude d'aller tous les deux autrefois. Mais elle y revient seule avec sa petite lettre de rupture. Je vous répète, c'est une petite scène comique. Cette lettre avec « Je te quitte », c'était ce matin, c'est passé. Pour que je souffre un peu plus vite, sur l'enveloppe, il y avait pressé. C'est affreux comme mon cœur tremble d'entrer seule dans ce restaurant où nous venions toujours ensemble. Oh, les regards de tous ces gens. Oui, vraiment. C'est affreux. Garçon, d'abord, du saucisson. On ignore encore l'histoire. Nos deux couverts sont préparés. Son vin, c'est moi qui vais le boire. C'est d'ailleurs moi qui le paierai. Je bois, je crâne. Quelle noce! Les gens pensent, va-t-il venir? J'en tremble presque, c'est atroce. à ta santé, au souvenir. Oui, j'en tremble. Tout à fait. Garçon, du poulet, la cuisse avec le croupion. Ah, il avait une jolie figure. Avec des yeux extravagants. Il travaillait dans la chaussure. Moi, je travaillais dans les gants. C'était même un peu ridicule, cette union à base de cuir. C'est fini. La vie vous bouscule. Et je trébuche à en mourir. Oui, je trébuche à mourir. Garçon. Une choucroute garnie. Il y en a qu'un qui flaire quelque chose. C'est le petit blond qui mange dans le coin. Aujourd'hui, son regard se pose plus lourdement sur moi. Tiens, tiens. Je me sens comme nue et si laide. Vite un peu de poudre et l'addition. C'est ce rêve mort qui m'obsède. Mais c'est fini l'amour. Je tiendrai bon. Plus jamais je n'aimerai, plus jamais. C'est fini pour toujours. Ah, mais... Garçon, écoutez. Mais écoutez donc, voyons, approchez. Qui est-ce là-bas, le petit blond qui mange dans le coin? Ah, que voulez-vous, hein, comme disait ma grand-mère. Ah, les hommes! Avec les hommes, c'est terrible. Et sans hommes, c'est encore pire. Alors, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Hein? Vous iriez? Eh, ben moi aussi, j'y vais. Eh bien, maintenant, je vais vous chanter une petite chanson que j'ai créée au Théâtre Antoine dans le petit café. Une poule dans une basse-cour. Une poule dans une basse-cour, croyait qu'elle était si belle, que la marquise de Pompadour n'était rien à côté d'elle. Aussi faisait-elle la cour à tous les gars du cheptel, par toutes sortes de mamours, pour les rendre amoureux d'elle. Cocorico, hein, quelle ivresse! Cocorico, quelle allégresse! D'être des poules, la plus belle poule! Ah, que c'est affolant, que c'est excitant! Cocorico! Pour tenter de la séduire, le veau faisait de ses cuirs, d'amour le bélier bêlait. Le mouton restait bouche bée, l'âne faisait le dindon, le porc faisait le cochon, le chat faisait des chatteries, miaou, le taureau faisait des vacheries. Coco-coco-corico, oh quelle ivresse! Coco-coco-corico, quelle allégresse! D'être des poules, la plus belle poule! Oh, que c'est affolant, que c'est excitant! Coco-coco-corico! Il m'aime un peu, beaucoup, beaucoup. La basse-cour sans dessus-dessous était dans un état fou. Fallait entendre ce boucan, une vraie boîte à cancan. Mais les coqs, cocufillés, dire qu'il fallait venger l'honneur des gallinacés, résolure de la plumée. Coco-coco-corico, oh, quelle défaite! Coco-coco-corico pour la coquette! Quelle vilaine chair de poule, mais quelle cocotte cette poule! Elle qui soignait des poules, la plus belle poule! Tout le monde l'a vue, elle est affreuse toute nue avec une seule et pauvre petite plume dans le cocon. Je vais vous dire une chose qui m'amuse beaucoup, moi. Je ne sais pas si elle vous amusera comme elle m'amusait. Et qui s'intitule « Le visiteur du soir ». Par un soir où sur mon fourneau, je pourrais même l'appeler l'imbécile ou l'idiote, l'histoire d'une idiote. Par un soir où sur mon fourneau, je cuisinais des haricots, il s'arrêta devant ma porte. Il a frappé. J'ai dit « Entrez ». Quand on frappe, on ne dit pas qu'on sorte. Je lui ai demandé « Vous désirez ?» Sans rien répondre, il est entré. Je ne sais pas d'où que c'est qu'il pouvait venir, ni quel coin qu'il pouvait sortir. Il a ôté son pardessus, posé son chapeau par-dessus. Il s'est assis devant ma table. Il s'est assis. C'était servi. Alors lui aussi s'est servi une portion vraiment formidable. Moi, je lui demandais, mais enfin, mais qu'est-ce qu'il vous faut ? Lui, il bouffait mes haricots. Je ne sais pas d'où que c'est qu'il arrivait, mais je vous assure, qu'est-ce qu'il cachait ? Il s'est couché dans mon plumeur. Je commençais à le trouver bizarre. Je me suis allongée sans rien dire. Il m'a regardé un petit moment. Moi, je le fixais anxieusement pour voir un peu ce qu'il allait me dire. Eh bien, il m'a rien dit du tout. Il a ronflé d'un seul coup. Je ne sais pas à quoi que c'est qu'il rêvait, mais je vous jure qu'il en écrasait. Le matin, il s'est réveillé. Tranquillement, il s'est habillé. Je lui ai dit « Bonjour, la voix câline ». Sans répondre, il s'est installé. Il s'est envoyé tout le café avec tout ce qu'il y avait de tartines. Il a repris son pardessus. Il est parti. Je ne l'ai jamais revu. Je ne sais pas et je n'ai jamais su si c'est pour moi qu'il était venu. Je terminerai par un petit poème de Jean-Baptiste Clément qu'il a écrit pour sa femme qu'il adorait. Jean-Baptiste Clément est l'auteur de cette chanson célèbre « Le temps des cerises ». Il avait une femme qu'il adorait, ils se sont aimés jusqu'à la fin de leur vie et c'est pour elle qu'il a écrit ce petit poème « L'amour n'a pas de cheveux blancs » sur un prélude de Chopin. Oui, ma Lisette se chagrine, car ce matin, en se mirant, la charmante et douce blondine a pris au piège un cheveu blanc. La rage colorait sa joue, et quand je suis rentrée le soir, la belle qui faisait la moue avait brisé notre miroir. Console-toi, coquette, quand on s'aime, Lisette, on a toujours 20 ans. On a toujours 20 ans. Tu le sais bien, Lisette, l'amour n'a pas de cheveux blancs. De grâce, apaise-toi, Lisette, nous ne roulons pas sur l'argent. Et tous les jours à ta toilette, si tu trouvais un cheveu blanc, j'aurais beau, forçant ma nature, travailler du matin au soir, que je ne pourrais, je t'assure, payer l'impôt de ton miroir. Bah, console-toi, coquette, quand on s'aime, Lisette, on a toujours 20 ans. On a toujours 20 ans. Tu le sais bien, Lisette. L'amour n'a pas de cheveux blancs. Bah, mets encore ta robe blanche. Lisse tes jolis cheveux blonds. Et nous irons comme dimanche glaner des fleurs et des chansons. Rusé tout autant que volage, l'amour qui guidera nos pas te prouvera sous le feuillage qu'un cheveu blanc ne vieillit pas. Console-toi, coquette. Quand on s'aime, Lisette, on a toujours 20 ans. On a toujours 20 ans. Tu le sais bien, Lisette, l'amour n'a pas de cheveux. C'était Magazine Bleu,